qui convenait mais qui nuait. Beaucoup moune n'y met une goua. Mathès son n'y met à coquéa. Bambi ou n'y met humilia. Comme ou n'y met serre mon yéwe. Ah, ah, qui qu'on n'y met qui nuait. Oh, ah, la nuit.